Tu m'as joué dans le dos, je t'ai tout dit, mais tu as tout gâché notre amitié. C'est terminé, tu dis tous mes secrets, et moi je ne dis rien, mais maintenant c'est terminé. C'est terminé. Notre amitié, tu l'as bien cachée, après tout ce que tu m'as fait, c'est à toi de te faire souffrir. Oh, oh, oh, oh, oh. Mes amis me disaient de te lâcher, je te défendais, et maintenant tu me fais souffrir. Pourquoi je les écouterai pas? C'est à toi de subir des conséquences. Tu m'as pas respecté, alors pourquoi je le ferais? Hey, hey, pourquoi je le ferais à mon tour si tu ne mérites pas? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Maintenant que tu as réussi à me faire pleurer, tu dois être content, mais j'en ai pas fini avec toi. Mon diable sort de moi. Oh, wow, oh, oh, oh, oh. Tu l'as bien mérité. J'ai juste le goût de te planter, de t'humilier et de te faire pleurer. Tu m'as pas respecté, alors pourquoi je le ferais? Hey, hey, pourquoi je le ferais à mon tour si tu ne mérites pas? Oh, wow, oh, oh, oh, wow. Tu devrais savoir que dans toutes les personnes, il y a un diable caché. Wow, wow, wow, wow, wow. C'est pour ça que je le fais sortir maintenant. Oh, oh, wow, oh. Tu m'as pas respecté, alors pourquoi je le ferais? Hey, hey, pourquoi je le ferais à mon tour si tu le mérites pas? Oh, wow, wow, oh. Tu l'as bien mérité, à toi de subir tes conséquences.